Ushuaia. Papa Ochombe mwana mwebara ya mama Antoinette Marion Ochumba Didier Phénomène Marie Carrie Kovo Masola Kadhafi Loindola et spécial Jean-Dominique Okemba ya mama Cheo Wamba Sasso. Taïta kodia vana la la ebisa na lilo. Soki nera botola vayo na boswa nina toya vipe. Koba tandres na baka lope sa kamay. Toko lango la sosiel moka na maboko nanga pecher gaïta. Pascaline Bongo. Ko atana seni abandon. Oti kaka noko demoli nga teo. Papa Maurice Nguesso, ya mère Brigitte Nguesso, papi Piana. Plaisir naturel la même, dans les bras qu'on y a yapo, natsubayeli kongananga. Christian Tshisekedi, asenya kale ya plaisir, le longana kamwendoko, abosani motazo kisaye. José Mukwayanzo. Ata poche kange lobaka te kasi satima nange vibraka na monda atrakswe kangisa na bile ninanga Ivi Matondo Pino baye bodiste nga na doktor hako kosaka Mana kumino reya na siyase ya antoloji Na universia bile nga sheri nanga yango na defendre Feza kola suye sengwe kosala ya biso mibale Boko toke boko lemba toko fungula teto za deja Nino nga bidas pembe Na kwate no na kosopela yo champagne na kwati Chocolata toja chocolat pour toi invité m'invité Eh Sky Blue A versé Ibrique ni ba comme moi ça mon baliné yo Chéri Biangani Paul Mutu Florian Myokono L'extrémité a plaisir que si kanga na salina sa ma voilà Kasili na l'esprit qui sa la guinde qui Barbara Rachel le top model Claudine Lonzo Ange Koi Papi Diambwana na London Papi Esau Patricia Kaniki L'extrémité a plaisir que si kanga na sali Naza titronye, kasi matanonga makolo mulu Sakata wa tupenangai Eric Ndala Sakata wa tupenangai Fabrice Wosh Sakata wa tupenangai Gaita kodia Sakata wa tupenangai Johnny Poto à Bruxelles Nako makola la chichiwa shemayowa Chichiwa shemayowa Nakuta flora myokono ala muka Jean-Jacques Bouya Nako makola la na chichiwa shemayowa Chichiwa shemayowa Nakuta nana bleze lilo ala muki Bebe Lidia Ferreira Nana bebe Romain Ferreira Romain Ferreira Romain Yamashita Yomoko otuta nina ema gola bileki Chantal Kolala na shishiwa shengayowa Makuta kipatika kiala muki Honorable Alita Chamala Miss Tula Jean Cartier Kokama Saint-Valois Paris 16e Bale premier ba ex bazaba Jean-Baptiste Ba planifie la kinga kaitanzela Bonayochi Po passage na ngezala sans obstacle Comme les boussons, n'a pas bon moulambé tostani. Marianne Kinoa. Aurait pas n'a pas servi, il est à la scène, ma mère et maman. Un jour, pourquoi y'a pas qu'un alimba qui a. Jusqu'aujourd'hui, n'a pas qu'à calé pays colonisé. Salomon, nous voilà, vous qui a saigné des panas. N'a pas bon y'a, pour n'a ni mina maître, la vagisme à l'ovango. Assistantia, ULK, Ike Kasea. Mama Blandine Pai Pai Hypocrisie et sa péché Gaïto Lobaki Dala Nenge Saturé Love et désactive ma joie, ma plaisir n'a pas de codia. C'est ça mon doki, et ça pour mélangalo. André Tapa, oui, ça quoi que rêve, ça qui m'a pas de codia. Kaita, San Papa, Kota ma journal de Anolaka. Anidembo. Kaita, Kodia, et San Van, San Papa. Kotanga journaliste ya nolaka Ilwemba oya metiol Nakoma kolala na shishiwa shemayuwa Shishiwa shita kumanisa Kaka sololi Nakoma kolala na shishiwa shemayuwa Shishiwa shi Komanda mokulu Eskira monsiga la yonga na ko se retrouve Napsas na yonga na ko suwa chase Ay ay Nale la busu ah, ah. Le gouverneur Abel Tamboué. Soki boni mweza laki atabayi nitende na somba nyoso na bomba osala wangayi. Iritse mbiya. Sima ngapo na soyoka malili. Ansi ni. Kosala ngate miso soyoka oso ni sheri. Kisi sepe ola jone tepe pala sa ikeba mangwete blandine makete. Wadefile.